annonce la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Gloire au Seigneur. Quelle joie avons-nous de commencer une nouvelle semaine avec le roi des rois. Oui, mon frère, réveille-toi. Réveille-toi, ma sœur, réveille-toi. Commence à bénir le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas malheureux. Quelqu'un t'a dit que tu as la malchance. Non, le Seigneur est en train de te faire passer par des épreuves. Après cette épreuve, tu vas expérimenter ce que Job a expérimenté. Le double de tout ce que tu as prévu. Oui, l'Éternel est vivant. Réveille ton voisin. Réveille ta femme. Réveille ton mari. Nous sommes à OSB. Opération sous la brèche. Notre texte du jour, c'est Romains 12, 9 à 12. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons donc notre texte, Romains 12, 9 à 12. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Amen. Voici un court passage, mais qui nous donne des révélations importantes pour la vie chrétienne. Nous allons partager 7 impératifs, 7 recommandations pour notre marche chrétienne. La première recommandation, le premier impératif, il dit que la charité soit sans hypocrisie. Quand on parle de la charité, il s'agit de l'amour, ce qu'on appelle généralement l'amour agapé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils rient avec toi mon frère. Il rit avec toi, ma sœur. Il t'embrasse. Il te donne même le baiser. Mais il y a ce qu'on appelle le baiser de Judas. Judas est venu donner un baiser à Jésus. C'était pour trahir Jésus. Aujourd'hui, dans nos milieux chrétiens, il y a des gens qui rient avec vous. Mais ce sont des hypocrites. C'est pourquoi la Bible nous dit, la charité doit être faite sans hypocrisie. Lorsque j'aime quelqu'un et que j'ai des reproches contre lui, je ne dois pas garder. C'est ça. Je vais parler à un couple. Écoute-moi bien. Je parle à une femme. Chaque fois que tu vois quelque chose que ton mari te fait, ça te déplaît, mais tu fais semblant. Ton mari t'a demandé, ça fait quelques semaines. Il te demande, qu'est-ce qui ne va pas parce que tu es triste? Toi, tu dis, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors que dans ton cœur, il y a des problèmes. Tu dis, non, si je lui dis qu'il y a quelque chose, ça va me créer des problèmes. La charité ne doit pas être avec hypocrisie. Il dit, que la charité soit faite sans hypocrisie. L'hypocrisie détruit. Tu ne peux pas rire avec quelqu'un pendant que tu as quelque chose. Il faut être transparent. Il faut lui dire que voilà, il y a telle chose qui m'a choqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrites. Il est avec toi, mais il est en train de comploter contre toi. Je vais parler à un homme de Dieu. Écoute-moi bien. Il y a un de tes enfants que tu as élevé parmi les ouvriers, les gens même que tu as formés. Il est là avec toi, mais en même temps, il fait des réunions ailleurs avec les gens qui te complotent. En même temps, il est en train de chercher à prendre l'église, à falsifier même des papiers pour que lui dise, lui, les propriétés. Donc, ça, ce sont des hypocrites. Ce n'est pas bon. La charité doit être faite sans hypocrisie. Quand j'aime quelqu'un sans hypocrisie, je vais lui dire la vérité. Quand je vois qu'il est dans l'erreur, je dois lui dire. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Tu travailles quelque part avec ton patron. Tu vois que ton patron est en train de faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais pour garder ton poste, tu dis, voilà, je ne vais rien lui dire. Même quand il te demande ton avis, il dit, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Tu secoues la tête, tu dis, oui, c'est bon, patron. Alors que tu sais que ce n'est pas bon, par crainte. La charité ne doit pas être faite avec hypocrisie. Deuxième vérité, on dit, ayez le mal en horreur et attachez-vous au bien. Vous voyez, ce sont deux vérités qui sont collées. C'est-à-dire, quand je sais que ça, c'est le mal, ici, le mal, c'est le péché. Je sais que la corruption n'est pas bonne. Je dois avoir ça en horreur. Je sais que l'impudicité est mauvaise. Je dois avoir ça en horreur. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui commencent à appeler des péchés par d'autres noms. Des gens qui mentent. Tu vois, c'est un mensonge et tu commences à fabriquer. Oui, non, il y a des mensonges qui sont bons, mon ami. Le péché, c'est un péché. Ayez le mal en horreur. Tout ce qui est mal. Toi, en tant que chrétien, tu ne dois pas faire ce que les païens font. Là où tu travailles, il y a des pratiques que les autres font, que toi, tu ne dois pas faire en tant que chrétien. Ayez le mal en horreur. Mais tu dois t'attacher au bien. Tu dois t'attacher à ce qui est bien, ce qui glorifie le Seigneur. Troisième impératif. Soyez plein d'affection les uns pour les autres. Vous voyez, on dit par amour fraternel. Soyez plein d'affection. Ici, c'est vraiment l'amour qui est sincère. Nous devons manifester l'amour vis-à-vis des autres. Lorsque, par exemple, un frère a perdu son parent, c'est bon de lui manifester l'affection, aller lui rendre visite, par exemple, aller rendre visite à un collègue de service dont la femme est hospitalisée, par exemple. Vous voyez, c'est aussi une façon de manifester l'affection les uns pour les autres. Lorsque tu entends que quelqu'un connaît le malheur, ça doit te préoccuper. Tu ne dois pas te réjouir du malheur de ton ami. Et lorsque tu entends que Dieu a béni ton frère, ta sœur, cela devrait te réjouir. Vous voyez, il y a plusieurs façons de manifester l'affection. Ma sœur, regarde. Il y a quelqu'un qui se marie. Au lieu de murmurer, au lieu de dire, bon, elle est venue après moi et s'est mariée. Non, tu dois manifester l'amour. Hein? Je parle à quelqu'un, tu as dit, tu n'iras pas à ce mariage. Tu commets l'erreur. Laisse-moi te dire que si tu participes au mariage de ta sœur là qui vient, Dieu va te bénir. Donc, change la manière de voir les choses. Même si le frère là que la sœur veut épouser, tu pensais que c'est toi qui devrais épouser. Non, renonce à cela, hein, ma sœur. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ton tour viendra. Manifeste l'amour vis-à-vis de l'autre quand il se marie. Quatrième impératif. Ayez du zèle et non de la paresse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont des paresseux. Dieu ne bénit pas la paresse. Je vais parler à un jeune frère. Écoute-moi bien. Regarde, aujourd'hui, tu as déjà dépassé 30 ans. Et aujourd'hui, tu dis, tu as laissé ton CV par-ci, par-là. Il y a des travails qu'on te propose, tu ne veux pas. Tu dis non, les travails qu'on ne va même pas me donner 100 000 francs, toi tu veux quelque chose où on va te donner à partir de 300 000, 500 000. Mon ami, parfois c'est l'humilité, à partir de l'humilité que Dieu va t'élever. Tout ce que tu vas élever là, ce n'est pas avec un salaire de 300, 500 000 qu'ils ont commencé. Il y a des gens qui ont commencé d'abord par des petits travaux. L'entrepreneuriat. Tu dois t'humilier et accepter de vendre. Il y a des gens qui ont accepté de vendre même à loco, ma sœur. Et Dieu a béni la loco. Pourquoi tu es gonflé? Tu dis que dans notre famille, nous, on ne vend pas de telles choses. Tu veux qu'on te donne un capital. Tu veux qu'on te donne l'argent pour que tu commences à aller à Dubaï, pour que tu commences à aller à Paris. Ma sœur, tu commets l'erreur. Dieu bénit l'ouvrage de nos mains. À partir même des petites choses que tu vas commencer, tu vas voir la bénédiction de Dieu. Dieu n'aime pas la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse, même dans l'œuvre de Dieu. Je vais parler à un jeune prophète, écoute-moi bien. Si tu veux que ton ministère avance là, tu dois être zélé. Le zèle commence d'abord dans la vie de prière régulière. Le zèle commence aussi, c'est par la méditation, la parole de Dieu, l'étude de la Bible. C'est du travail, hein. Tu dois faire des recherches, tu dois acheter des livres que tu dois lire, tu dois côtoyer des doyens pour te former. C'est tout ça aussi pour que le ministère prenne de l'ampleur. Tu dois apprendre à passer du temps de jeûne et de prière. Tu dois apprendre à passer du temps pour former les gens qui sont autour de toi, pour que le résultat soit évident. Mais avec la paresse, le ministère ne va pas avancer, mon ami. Tu demandes à Dieu, oh, agis dans mon ministère, agis-moi. Mais qu'est-ce que tu fais toi-même? Tu es paresseux. Cinquième impératif, soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. Vous voyez, lorsque nous sommes sauvés, nous ne devons pas croiser les bras. Dieu nous appelle à être fervents dans le ministère. Quand on parle du ministère là, cela ne veut pas seulement dire que tout le monde doit être pasteur, prophète, apôtre. Tu peux servir le Seigneur dans le ministère de l'intercession, dans le ministère de l'évangélisation, dans le groupe musical. Et tu le fais avec sérieux. Tu peux travailler dans le service d'ordre, dans le service d'entretien du temple. Mais quand on te donne cette responsabilité, il faut le faire correctement parce que tu le fais pour Dieu. Ça, c'est aussi servir le Seigneur. Chacun de nous, là où il se trouve, même au niveau professionnel, tu dois apprendre à servir le Seigneur par ton témoignage, en parlant de Jésus à d'autres. C'est aussi un ministère. Je vais parler à une dame. Dieu t'a donné la facilité de soutenir l'œuvre de Dieu. Il a béni ton commerce. C'est un ministère que Dieu t'a donné, la libéralité. Sers le Seigneur avec l'argent, avec les biens que Dieu t'a donné. Sixième impératif, réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Vous voyez, la réjouissance ici, c'est une réjouissance malgré les difficultés. Je vais parler à quelqu'un, tu as perdu un être cher. C'est vraiment, ça te fait mal. Ta sœur qui était très proche de toi, je parle à toi ma sœur, c'est vrai, les conditions dans lesquelles ta sœur est partie, c'est dur. Mais tu dois te réjouir de savoir qu'elle a connu le Seigneur et qu'un jour vous allez vous rencontrer dans sa présence. Réjouis-toi en espérance, sachant que Jésus revient bientôt. Quand il reviendra, il va prendre les siens, il va transformer ton corps et tu iras dans sa félicité éternelle. Les souffrances du temps présent sont de l'heure comparables à la gloire à venir. Dieu t'a déjà montré une gloire qui t'attend. Ne te limite pas aux difficultés que tu vois maintenant. Réjouis-toi en espérance. L'espérance ne trompe point. Et l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi quand tu te réjouis dans l'espérance, tu seras patient dans l'affliction. C'est-à-dire, tu ne dois pas dire, j'en ai marre. Je vais parler à une jeune sœur. Ne retourne pas chez ton amant. Parce que tu dis, tu n'as plus de quoi payer ta maison. Le Seigneur va pourvoir tes besoins. Regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais ton père les nourrit. Sois patient et tu verras la bénédiction va venir. Septième impératif, persévérer dans la prière. Vous voyez, ça c'est pour couronner tout cela. Il ne faut pas baisser les mains. Il faut persévérer dans la prière. Souviens-toi de ce qui s'est passé au temps de Moïse. Quand Amalek est venu combattre Israël, Moïse a levé les mains. Quand ses mains étaient fatiguées, Aaron et Hur ont soutenu ses mains. Ça nous montre l'importance de la persévérance. Il y a des victoires que tu ne peux pas gagner lorsque tu ne persévères pas. Tu pries pendant quelques jours, quelques mois et puis tu abandonnes. Persévérer dans la prière. Oh, que le Seigneur soit béni. Nous allons le louer ce matin en chantant ces cantiques. Ali Monsanto Masiae, oh Kumama, libela nzambe na bomoi Masia Kumama. Ali Monsanto Masiae, oh Kumama, libela nzambe na bomoi Masia Kumama. Ozali liziba na bomoi, oh Kumama, libela nzambe na bomoi Masia Kumama. Ali Monsanto Masiae, oh Kumama, libela nzambe na bomoi. Ozali libanga na bomoi, toyemeli yo libela nzambe na bomoi Masia Kumama. Ozali Monsanto Masia eh, oh Kumama libela nzambe na bomoi Masia Kumama. Ambisi ya mai bakochola, bakokumisa yo nzambe na bomoi Masia Kumama. Ozali Monsanto Masia eh, oh Kumama libela nzambe na bomoi. Andeke likolo bako pepa, bako sanjola yo, ozali nzambe na bomoi Masia Kumama. Ozali Monsanto Masia eh, oh Kumama, libela nzambe na bomoi Masia Kumama. Ozali Monsanto Papa eh, toyemeli yo, libela nzambe na bomoi Masia Kumama. Ozali Monsanto Masia eh, oh Kumama, libela nzambe na bomoi Kumama, kumama, kolonanga kumama. Kumama, kumama, mwana nzambe kumama. Kumama, kumama, kolo Yesu kumama. Kumama, kumama, mwana nzambe kumama. Kumama, kumama, yaya na biso kumama. Kumama, kumama, mwana nzambe kumama. Aleluya, kumama, aleluya, kumama. Nzambe na bomo. Amen anguya kumama leloyo kumama ibanga la bomo kumama leloyo kumama ibanga la toyo kumama leloyo kumama ayo yo kumama ayembele masiya kumama leloyo Gloire à Dieu. Élevons le nom du Seigneur. Bénissons son nom. Te bénissons, éternel notre Dieu, toi le Dieu de notre salut. Quelle que soit la cruauté de nos ennemis, mais toi tu es le Dieu de délivrance. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es celui qui nous délivre de nos ennemis et de tout ce qui nous haïssent. Oh, sois béni notre Seigneur, notre Dieu. Toi, le Dieu qui nous fait sortir de notre situation afin de nous délivrer. Oh, sois béni, notre Dieu, notre Seigneur. Nous bénissons ton nom. Oh, notre Dieu, notre Père. Toi, le Dieu plein d'amour. Le Dieu qui ne cesse de nous soutenir jour après jour. Père, merci de nous aider encore à te servir avec persévérance. Et fidélité, oh, que l'honneur te revienne, notre Seigneur et notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que notre texte du jour, c'est Romains 12, 9 à 12. Nous sommes à l'émission OSB. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Nous venons de voir plusieurs impératifs. Que la charité soit faite sans hypocrisie. Bien-aimés, nous allons prier pour combattre l'esprit d'hypocrisie dans nos églises, dans nos milieux chrétiens, même dans nos milieux sociaux professionnels. Il y a beaucoup de traîtres, beaucoup d'hypocrites. Prions pour combattre cet esprit et que l'amour, la charité soit un amour réel, pas un amour du bout des lèvres. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir ici que nous devons avoir du zèle et non de la paresse. Il y a beaucoup de gens qui par paresse n'ont pas la bénédiction, ne veulent pas travailler, ne veulent pas faire les affaires. Ils sont paresseux. Nous allons prier pour briser l'esprit de paresse et que Dieu donne ses zèles pour travailler, pour gagner notre pain, pour servir même l'Éternel. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sois béni ce matin, sois élevé ce matin, magnifié ce matin pour ta parole. N'as-tu pas dit dans ta parole que le zèle de ta maison me dévore? Nous voulons que le zèle de la prière ce matin, le zèle de la méditation de ta parole, le zèle, Seigneur, pour de l'évangélisation, de notre engagement dans ta maison, nous dévore. Nous dévore, Seigneur. Qu'est-ce que nous constatons dans nos vies? C'est l'indolence, l'insouciance, la négligence, la paresse, le sommeil spirituel. On est devenu lourd. Seigneur, nous crions vers toi ce matin. Nous élevons nos mains ce matin vers toi pour reconnaître notre faiblesse, nos limites. Et nous voulons nous lever devant le découragement, devant le désespoir, devant le sommeil, pour continuer à te prier, à te louer, à t'adorer, à te célébrer, à continuer à investir dans ta maison, à continuer à payer nos dîmes pour l'avancement de ton œuvre ici-bas. Merci Seigneur, louange à toi, parce que sans toi nous ne sommes rien. Que ton zèle nous brûle, nous amène à nous élever, nous amène à nous lever pour toujours être prêt pour te servir au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir ici que nous devons nous réjouir en espérance et être patients dans les afflictions. Nous allons prier pour tous ceux qui, pendant ces jours, pendant ce moment, traversent des moments difficiles, des moments d'affliction, qui commencent à perdre courage, que Dieu les fortifie. Puis si c'est toi-même, prie pour que Dieu te donne de te réjouir. Tu vas chasser l'esprit d'angoisse, d'abattement qui commence à envahir ton âme. Tu vas persévérer dans la prière. Que Dieu te donne de supporter ces épreuves et de triompher. Prions le Seigneur. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Merci Seigneur, parce que ta parole nous délivre. Ta parole brise tout lien dans notre vie et ta parole nous restaure. Ta parole nous guérit. ta parole a nous libéré, nous a franchi ce matin. Merci parce que tout esprit d'angoisse, tout esprit de désespoir, tout esprit de chaos dans notre cœur, dans notre âme est annulé au nom de Jésus-Christ. Job était affaibli, Job était presque détruit, mais sa foi n'a point faibli. Il a compté sur l'Éternel. Même quand sa femme s'est imposée, il a demeuré ferme. Sa foi a été braqué sur la parole, il a cru que Dieu était encore capable de faire quelque chose de grand et c'est ce qui a été fait. Et c'est pour cela que Job lui-même pouvait dire « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Père, merci parce que Job a eu foi et tu l'as relevé. Je prie, Père, pour toute personne découragée à cause d'une situation de maladie, pour toute personne découragée parce que cette personne vit dans le chômage, pour toute famille qui espère un enfant et que jusque-là, la grâce de l'enfantement n'a pas été vivante réelle. Je déclare maintenant que le Dieu des cas impossibles, le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer, le Dieu qui défend les faibles entre en action et je te vois renouveler, restaurer, gaillarder, béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSP. Nous rappelons que le dimanche prochain, nous aurons notre rencontre Bonheur Conjugal pour les célibataires. Nous aurons deux services, comme d'habitude. Premier service à 16h, deuxième service à 18h. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. La joie du Seigneur, à nous la puissance.